Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Les sœurs qui sont là au fond. Wadada wale wako kule kumkongo. Est-ce qu'elles suivent? Eti mko nafuata kule? Et les frères qui sont de l'autre côté. Na wandugu wale wako kule kumkongo kabisa. Mettez vos mains. Mlamushe mikono kama mko nafuata. Si vous ne suivez pas, kama mfuate amsikie kule kumwisho mnaweza kukaribia. Levons-nous pour la lecture de la parole. Estimame, Jok Somanen Lamou. Ouvrons nos Bibles dans Daniel au chapitre 6. Ouvrez ma Bible à Zetou, Daniel sur la cita. Nous commençons au verset 1. Pour en dire, parlez. Seigneur, merci. Bonne à santé. Pour la pluie que tu nous as envoyée cet après-midi. Dieu en voula, on a tout mis à Mangaribi à Léo. Afin que toutes les semences soient arrosées. Il y a gozote et pâte kumimiwa. Pour donner de la nourriture à l'agriculteur. Nous avons besoin de la pluie spirituelle ce soir. Mangaribi, pourquoi la zima yambula kiro? Pour arroser nos cœurs. Afin que la parole semence qui sera semée en nous. Ili nenombeko itapandiwa ndani mwetu. Puisse germer, ipate kuchipuka, et te donner de bons fruits. Na kupatia matunda mema. Comme tu nous as envoyé une pluie naturelle, Davile mwasili unatoka mkututumia mvula, envoie-nous aussi la pluie spirituelle. Kututumia vile vile mvua ya kiro. Pour que ton peuple se réjouisse, ju taifa lako ipate kufurahiwa. Et que ton nom soit glorifié. Na jina lako litukuzwe. Soit avec nous ce soir. Uwe pamoja nasi mangaribi ya leo. Du début de ce culte jusqu'à sa fin. Tangia mwanzo wa ibada hadi mwisho yayo. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume sans vain satrape. Darius akaona ya mzuri kuweka yule ufalme wake waliwali 120. Il devait être dans tout le royaume. Wale walipasha kuwa mu ufalme yake yote. Il mit à leur tête trois chefs. Akaweka juu yao wakubwa tatu. Au nombre desquels était Daniel. Kati yao wale tatu kwa mmoja jina lake Danieli. Afin que ce satrape, ili awa waliwali, le rende compte, wapate kuleta ripoti kwao, et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Na mfalme asiteseke kamwe mkutumika kwake. Daniel surpassait les chefs, Daniel et les satrapes. Daniel alipitia wale wakubwa na waliwali. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Juu ndani mwake mlikuwaka roho ya juu. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Na mfalme akaanza kuwaza kumweka yule ufalme yote. Alors les chefs et les satrapes, na pale wakubwa na waliwali, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Wakaanza kutafuta njia gani ya kuweza kumstaki Danieli. En ce qui concerne les affaires du royaume. Kwa yenye ilikuwa naangalia mwenendo ya ufalme. Mais il ne put trouver aucune occasion. Lakini hawakuweza kupata kitu hata kimoja, ni aucune chose à reprendre, wala kitu fulani cha kukemea. Parce qu'il était fidèle. Juu yeye Daniel alikuwa kama mwaminifu. Et qu'on a percevé chez lui ni faute, na kwake hawakupata wala kosa, ni rien de mauvais, wala kitu chochote kibaya. Et ces hommes dirent, na watu wakasema, Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Atutapata kitu hata kimoja cha kumstaki huyu Danieli. À moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Isipokuwa tu tupate kitu kimoja ndani ya sheria ya Mungu wake. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kuhusumia neno lake. Ces choses se passent sous le règne de Darius. Imam bwana pitika mutawalo ya Darius. Le roi de Mède. Mufalme wa Mède. Après que le royaume de Babylone soit tombé, kisha ufalme ya Babylone kuanguka. Les Mèdes et les Perses sont venus. Wa Mède na wa Perse wakakuja. Pour régner sur toute Babylone. Njua kutawala yule Babylone yote. Comme nous l'avons montré hier. Akabile tuwezi kuonesha jana. Dieu avait doté à Daniel une sagesse supérieure aux autres. Mungu alipatiaka hekima Danieli ya kushindia wote. Et il n'y avait personne qui pouvait l'égaler dans le royaume. Na kukwata mtu mmoja ule aliyeweza kupimamishana naye mfalme. Et cela provoquait de la jalousie dans tout le royaume. Na ile kalamusha wivu mfalme yote. Du côté des chefs, ngambo ya wakubwa, et du côté de sa trappe, hata ngambo ya waliwali. Il voulait éliminer Daniel de la scène. Walipenda kumondosha Danieli mkazi asionekane tena. Parce qu'ils étaient jaloux de lui. Jubo walikuwa na bwivu juu yake. Mais comme la Bible le dit ici. Lakini sasa vile Biblia iko naisema hapa. Ils n'ont pas pu trouver une occasion. Abakuweza kupata bahati. Pour accuser Daniel, Dieu a constaté Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Wanyi konangalia mambo ya ufalme. Il n'y avait rien à reprendre dans la vie de Daniel. Akuwe kitu ya kuweza kukemewa ndani ya maisha ya Daniel. Il ne voyait ni faute, abakuone wala kosa, ni rien de mauvais dans la vie de Daniel. Wala kitu kyokyote kibaya ndani ya maisha ya Daniel. Parce que cet homme de Dieu craignait le Seigneur. Du mutu wa Mungu alikuwa anaogopa Bwana. Il marchait selon la loi de son Dieu. Alikuwa anatembeaka kufuatana na sheria ya Mungu wake. Ils ont compris que Daniel ne pouvait pas tomber dans leur piège. Bakaelewa kwamba Daniel hakuweza kuanguka mtego yao. Maintenant, ils voulaient le forcer à briser la parole de Dieu. Sasa wakapenda kumsukuma Daniel apate kuvunja sheria ya Mungu wake. Pour que Daniel tombe dans leur piège. Du Daniel anguke mtego yao. Afin qu'il soit châtié. Na apate kuapizwa. C'est ainsi que ces hommes allèrent timidement voir le roi. Ndio hivi hao watu wakaenda usiku mvujanja yapo kwenda kumwona mfalme. Pour aussi tendre des pièges à Daniel. Ndio vile vile au roi. Ndio wapati tena kumteka mteko mfalme kumsukuma mkosa. Mais hier nous avons beaucoup insisté. Lakini jana tuliweka mkazo sana. S'inspirant sur le verset 4 et 5, Mkubeba mstari ya 4 na 5, que chacun de nous doit mener une vie irréprochable. Ya kwamba kila mmoja wetu anapaswa kuishi maisha bila kemeo. Nous ne devons pas donner l'occasion aux païens de nous accuser. Hatuwezi kupatia bahati wapagano wapate kutustaki. Et nous devons fuir de faire des erreurs. Nous ne devons pas commettre les erreurs. Na tuwezi kutenda makosa. ou des fautes dans notre vie. Voilà mon bombay au maïsha yetu. Ça sera une occasion d'or. Il est à quoi bah, puis tu as payé. Qu'on donne aux païens de nous accuser. Il est à partir au pagano, à partir du stade. De mépriser la parole de Dieu. À partir du Mungu. Et de mépriser l'Église. À couper où la canisse. C'est pourquoi on nous a enseigné et dit. Paul a l'étudié na kusema hivi. En tant que fils et fille de Dieu. Ça wa toto anome na wanamke wa Mungu. Nous devons surveiller notre vie. On a passé kuangalisha sana maisha yetu. Nous devons veiller sur notre comportement. On a passé ukesha yula mwenendo yetu. Nous ne devons pas donner l'occasion aux païens de mépriser la parole. Et nous ne devons scandaliser personne. Parce que cela humilierait notre Dieu et la parole qu'il nous a donnée. Nous avons lu une écriture hier. Jana tulisoma andiko moja. Là où Paul nous a enseigné et dit. Pale Paulo alitufundisha na kusema hivi. Nous pouvons relire cela. Tunaweza kuyasoma tena. Dans 2e Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens. Wa Thessalonika wa kwanza. Dans son chapitre 2, sura yake ya pili. Dans son verset 10, Kumi. Vous êtes témoin, Muko wa shuhuda, et Dieu l'est aussi, na Mungu naye ni mshuhuda, que nous avons eu envers vous qui croyez, ya kwamba tulikuwa mbele yenu mwe venye kuamini, une conduite sainte, na mwenendo takatifu, juste, ya haki, et irréprochable. Na bila kukemewa. On demande pas seulement aux brebis d'être irréprochables. Abalombe paka wa kondo wapati kwa bila kemeo. Mais les hommes de Dieu, lakini watumishi ya Mungu, doivent aussi mener une vie irréprochable. Na bo vile vile banapasha kuishi maisha ya mzuri bila kemeo. Nous ne pouvons jamais mener une vie irréprochable. Atuwezi kamwe kuishi maisha bila kemeo. Si nous vivons une vie de désobéissance. Kama tunaishi maisha ya shokuti. Si nous menons une vie en dehors de la parole de Dieu. Kama tukuishi maisha yenye kwa nje ya neno la Mungu. Donc la seule possibilité de mener une vie irréprochable, c'est de vivre toute la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu, vous mènerez une vie irréprochable. Et vous ne scandalisez personne. Na, auta kualisha mtu hata moja. Et Dieu t'appréciera. Na pale Mungu atakufurahikia. Et les hommes aussi t'apprécieront. Vile vile na bo batakufurahikia. Nous devons mener une vie de lumière. Tunapasha kuishi maisha ya nuru. Afin de vivre au-dessus de tous les reproches. Ili tupate kuishi yulu ya makemo yote. Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9. Kwa Korinto wa kwanza sura 9, Paulo kwa Korinto. Dans son verset 32 à 33, mstari 32 na 33. Ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs. Usiwe kikwazo wala kwa Yuda wala kwa Yunani, ni à l'église de Dieu, wala au kanisa ya Mungu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses à complaire à tous. Munamna moya moya nami vile vile ni kunajikaza katika maneno yote kupendeza wale watu wote. Cherchant non mon avantage, mukutafuta hapana faida yangu, mais celui du plus grand nombre, lakini faida ya watu wengi, afin qu'ils soient sauvés, ili wapate kokolewa. C'est un devoir sacré, ni mapasho atakatifu, de mener une vie irréprochable, ya kuishi maisha bila kukemewa. Si vous ne menez pas une vie irréprochable, vous n'avez pas le droit de s'appeler chrétien ou chrétienne. Non, bien-aimés frères et sœurs. Dans Philippiens au chapitre 2, dans son verset 14 à 15, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Batoto ba Mungu bale basho kukemewa katikati ya kizazi kya upindupindu et corrompu na kya kuoza, parmi lesquels vous brillez katika, comme des flambeaux dans le monde. Katikati ya kizazi mule mwemu kunanga saa ndimu ya moto mulimwengu. Nous avons un devoir sacré, tuko na mapasho takatifu, de briller dans les ténèbres, ya kuanga katika magiza, de briller dans ce monde ténébreux comme des flambeaux que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ a allumé pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a dit, nous sommes la lumière du monde. La vie de Daniel, maisha ya Danieli, avait tellement brillé lianga sana, que tout s'est corrompu. Tous ces gens qui vivaient dans les ténèbres étaient dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit de mal sur Daniel. Si nous menons une vie réprochable, nous jetons de l'opprobre sur la parole. Et cela ne peut pas réjouir le cœur du Seigneur. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Nous avons une grande responsabilité. Dans votre vie est-elle digne de l'évangile? À la page 66, au paragraphe 278, soyez un chrétien de bonne réputation, car nous sommes étrangers ici-bas. Kwani tukubageni hapa chini. Daniel était un étranger à Babylone. Daniel alikuwa mgeni mu Babylone. Mais il avait une très bonne réputation. Lakini alikuwa na kavumu ya mzuri sana. Sa bonne réputation est venue, kavumu yake ya mzuri ilikuja, parce qu'il respectait la parole de Dieu dans toute sa vie. Ilitokea ni juu alikuwa anaheshimia neno la Mungu maisha yake yote. Si aujourd'hui nous pouvons agir comme Daniel, kama leo tunawezi kutenda sa Danieli, respectant la parole de Dieu en tout point, kuheshimia neno la Mungu munukta yote na katika maneno yote, Nous serons des chrétiens de bonne réputation. Nous ne sommes pas ici dans notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes les fils et les filles d'un roi. Du roi. Ou le moufalme. Que notre vie soit honnête. Maisha yetu kwa kunyoloka. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être. Tuishi maisha ile kunaheshimisha ile tunajidhania kuwa. C'est-à-dire kusema des chrétiens. Wa Kristo. Lorsque tu prétends être chrétien, wakati unajidhania kuwa mkristo, vous êtes dans l'obligation Oko, na ile mapashwa, de vivre comme un chrétien. Ya we kuishi kama kristiani. Lorsque tu réclames un racheté de l'Éternel, wakati unasema kumwenye kukombolewa na Bwana, tu es dans l'obligation de vivre comme un racheté. Uko mapashwa kuishi kama mtu mwenye kukombolewa. Un homme sauvé. Mtu mwenye kukombolewa. C'est vrai, frère. Ya kweli ndugu. Que notre vie soit honnête. Maisha yetu ipate kwa ya kunyoloka ya haki. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être. Tuishi maisha ile unaleta heshima kwa kile tunajidhania kuwa. C'est-à-dire des chrétiens. Tunasema ba Kristo. Et si nous ne pouvons pas vivre cette vie-là, na kama tuwezi kuishi ile maisha, faites en sorte qu'on vous appelle pas. On ne vous appelle plus du nom des chrétiens. Parce que vous ne faites qu'attirer de l'opprobre sur eux. Si vous n'êtes pas en mesure de vivre la vie chrétienne, faites tous vos efforts pour que les gens ne t'appellent pas chrétien. Et faites tout votre effort de ne plus vous appeler chrétien. Parce que si vous appelez chrétien, en vivant une vie contraire à la chrétienté, vous attirez l'opprobre sur l'église, sur les chrétiens, sur la parole, sur Christ. C'est vrai, frère. Aujourd'hui, ce qui fait mal à la chrétienté, Léo, il est fanya mubaya kwa Kristo. Ce ne sont pas les ivrognes aina walevi et les prostituées na wakaaba. Ce sont les soi-disant chrétiens ni wale wanajiita kwamba ni ba Kristo qui vivent comme le reste du monde, lakini wanaishi kama watu wote wa dunia et qui deviennent na wao wanakuya une pierre d'achoppement kikwazo. Mais ce n'était pas Daniel. Laikini a quoi que vilain à Daniel. Dans le message, discerner le corps du Seigneur. Tambua mwili ya Kristo. À la page. Kartasi. 3. Ya 3. Frère Branham dit. Frère Branham anasema. Et nous qui nous donnons le nom des chrétiens. Na si bale bene kujipatia jina ya Kristo. Nous n'avons pas le droit de prendre le repas du Seigneur. Hatuna na ruhusa kubeba chakula ya Bwana, ya meza ya Bwana. Que nous vivions sans reproche face au monde. Isipokuwa tumeishi bila kukemewa kwa macho ya dunia hii. À moins que nous vivions sans reproche. Tupate kuishi bila kukemewa face au monde. Mbele ya hii dunia. Au cas contraire, kama ina vile, nous n'en avons pas le droit. Hatuna na ruhusa kukaribia kumeza la Bwana. Dans nos maisons, ndani ya manyumba yetu, dans nos quartiers, mwa quartier mle tunaishi, dans nos activités, katika makazi yetu, dans nos sociétés où nous travaillons, makampuni mle tunatumika, dans la compagnie des frères, katika ushiriki yetu na banduku, vivons comme des chrétiens, des chrétiennes, tupate kuishi sawa wa Kristo na wadada wa Kristo, et vivons au-dessus na tuishi benye kwa yulu de tous les reproches du monde, ya kukemewa kote kwa hii dunia hii. Et de cette manière, Dieu peut vous envoyer même des anges pour vous visiter. Mungu anaweza kutumia hata wa malaika wa kutembelee. Comme Frère Branham le dit. Paka vile ndugu Branham anasema. Si vous voulez que les anges viennent vous visiter ou visiter votre maison, ukipenda wa malaika wako watembelee nyumba yako, vivez correctement. Muishi mwali ya mzuri. Agissez correctement. Mtende mzuri. Soyez en ordre avec Dieu en toutes choses. Uwe musawa na Mungu katika maneno yote. Dieu t'enverra les anges pour te visiter. Mungu atakutumia wa malaika wako kutembelea. C'est pourquoi vous verrez. Tukaona mtaona. Quand l'homme de Dieu fut accusé faussement. Wakati mtumishi wa Mungu alistakiwa kwa bure bila kosa. Dieu lui avait envoyé un ange. Mungu alimtumia aka malaika. Pour le protéger contre les lions. Njoo kumulinda kusimba. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, wakati Shadrach, Meshach na Abednego étaient accusés faussement, waliwestaki bila kosa, l'ange de l'Éternel est descendu, malaika wa milele alishuka, dans la fournaise ardente pour les protéger, tanuru ya moto njoo kuwakinga, parce que l'ange de l'Éternel, malaika wa milele, campe autour de ceux qui le campent, kando kwande wale wenye kumogopa wa milele. Vous ne pouvez pas vivre, hauwezi kuishi, une vie honteuse, maisha ya haya. Une vie réprochable. Maisha ya kukemewa. Et se réclamer de Christ. Na kujita kwamba uko mkristo. Et s'attendre à voir le secours de Dieu. Na kujongojea upate msaada ya Mungu. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Il y a une très grande leçon ici. Hapa kwa mafundisho mkubwa hapa. Nous serons pas épuisés cela. Hatutawezi kuyamaliza yote. Dans le message, la résurrection de Lazare. Mujumbe ufufuko wa Lazaro. À la page 10. Karatasi ya 10. Au paragraphe 21. Nukta makumi mbili na moja. Eh bien. Hivi basi. Si vous voulez que Dieu exauce votre prière. Ukipenda Mungu akubali maombi yako. Et qu'il vous envoie un ange. Et qu'il envoie un ange dans votre maison. Na atume malaika munyumba yako. Eh bien. Hivi basi. Si vous voulez que Dieu exauce votre prière, ukipenda Mungu akubali maombi yako, et qu'il envoie un ange dans votre maison, na atume malaika munyumba yenu, un, vivez correctement, ya kwanza, muishi mzuri mzuri, deux, agissez correctement, ya pili, mutende mzuri, trois, ya tatu, traitez tout le monde correctement, mutende batu bote mzuri, quatre, soyez en ordre avec Dieu, uwe musawa na Mungu, et Dieu vous l'accordera. Na pale Mungu atakujibu kwa maombi yako. Na ni kipesi sana ama maji. C'est ce que notre frère Daniel sous le sang de bouc a fait. Ndio ile ndugu wetu Daniel chini ya damu ya bambuzi dume alitenda. Et Dieu était avec lui. Na Mungu alikuwa pamoja naye. Mener une vie qui peut convaincre ton père. Oui, si maïsha. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Oui, si maïsha, les gens qui kisha baba yako mzazi yako kwamba wewe uko mkristo mwanaume wala mwanamke. Une vie qui peut convaincre ta mère que tu as déjà changé. Maïsha, les gens qui kisha mama yako kwamba ulisha badilika. Vivez une vie qui peut convaincre, qui peut convaincre ton mari que tu as déjà changé. Maïsha, bwana yako kwamba ulisha badilika. Vivez une vie qui peut convaincre ta femme que tu es un chrétien. Maisha inaweza kuhakikisha mke wako ya kwamba uko mkristo. Et que tous les voisins le témoignent. Na wajirani wote wadondoka kwa kiwanja, ndugu na nyumba wapate kuhakikisha waishuhudie. C'est vrai frère. Bia kweli ndugu. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada yangu. Mais quand ces hommes ont vu qu'il n'y avait rien à condamner en Daniel. Lakini wakati hao watu walitambua kwamba kukwe kitu ya kumstaki nacho Danieli. Ils formèrent un complot contre Daniel. Bakatunga tu mambo, mambo njoo kumkomba kumstaki Daniel. Dans Daniel au chapitre 6. Daniel sura 6. Dans son verset 6, commençons par là. Mstari 6, tuanzie pale. Puis ses chefs et ses satrapes. Kisha awa kubwa na waliwali. Se rendirent immédiatement auprès du roi. Wakaenda na bujanja yote kwa mfalme. Et lui parlèrent ainsi. Na wakasema naye hivi. Roi Darius, mfalme Darius, vit éternellement. Uishi milele. C'était de grands flatteurs. Walikuwa wa kubembelezana sana. Tous les chefs du royaume, wakubwa wote wa ufalme, les intendants, wa kuchunga akiba mabiyombo, les satrapes, waliwali, les conseillers, washauri, et les grands gouverneurs na wakubwa wa majimbo sont d'avis wakasikilizana pamoja qu'il soit publié un édit royal kwamba itangazie mpango mwa wa kifalme avec une défense sévère na mkazo ya ukali kabisa. Pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi ô roi sera jeté dans la fosse au lion. Wakasikilizana pamoja na kutangaza hivyo ili mfalme atangaze mpango mmoja kusema yeyote muijimbo yako wala tatoa maombi kwa Mungu mwingine wala kwa mtu mwingine isipokuwa kwako wewe mfalme. Dans l'espace de 30 jours, c'est-à-dire à ma siku, ma komitatu, excepté à toi, roi, kutosha maombi ya kutoa kwako wewe mfalme, sera jeté dans la fosse au lion. Atatupwa mshimu ya simba, ya wasimba. Vous voyez la flatterie. Mnaona namna gani baliwezi kubembeleza mfalme kwa Mungu. Les flatteurs ne sont pas de bonnes personnes. Hao watu wa kubembeleshanaka na misemo tu, hawana watu wazuri. Darius devait s'arrêter. Darius alipata kusimama. Avec le reste de bon sens pour dire comment pendant trois jours les gens peuvent adresser leur prière à moi, un homme. Batu wanawezi kuniomba kutoa maombi kwangu mie mtu. Les gens l'ont élevé à la place de Dieu. Batu walimuinua na kumpatia fazi ya Mungu. Et lui est tombé dans leur piège. Na yeye akaanguka mu mtego yabo. C'est pourquoi vous voyez dans Proverbes au chapitre 29, dans son verset 5, l'Écriture dit ceci, un homme qui flatte son prochain tend un filet à ses pas. Il y a un pied dans le péché de l'homme méchant. Darius n'était pas Dieu. Darius a su quoi que Mungu. Il était un homme. Alikuwa mutu binadamu. Il était incapable de résoudre tous les problèmes humains. Asikuwa na uwezo kuleta jibu kwa mambo yote ya watu. Il ne pouvait pas recevoir toutes les prières de tout le monde. Akuwezi kupokea maombi ya watu bote. Parce que Darius dominait aussi sur toute la terre. Du Darius aranza kutawala dunia yote. Mais voilà parce qu'il était flatté. Tazameni jutu bali mbembeleza. Namu il accepte cela. Lakini hata vile yote anakaitikia. Il y a beaucoup de frères et de sœurs. Obanduku na badada ba mingi. Qui tombent dans le péché. Biko na kamuzani. Tellement à cause de flatterie. Abale bali kwa kumpaka mafuta. Oh vous savez sœur. Oh unajua dada. Je vous aime beaucoup. Nakupendaka sana. Vous savez frère. Unajua ndugu. Je vous aime beaucoup. Nakupenda sana. Quand les gens parlent mal contre vous. Cela m'énerve. Cela m'énerve. Nishirikishaka sana. Vous voyez. Naona. Quelqu'un commence d'abord par de telles flatteries. Kwanza mtu anaanza mimi na misemo ya kupaka mafuta. Et à la fin. Na kumwisho. Il dit, vous voyez tel sœur, vous voyez tel plani, frère, il a dit ça, il disait ça contre vous, il vient seulement pour te tendre un piège. Quand quelqu'un vous parle, il faut écouter correctement. Et nous devons avoir suffisamment de discernement pour découvrir pourquoi quelqu'un nous adresse des paroles flatteuses. Pas lorsqu'on vous flatte, dans le mal, vous commencez à sourire. Vous pensez que vous êtes un homme spécial, une femme spéciale. Darius n'était pas spécial, c'était un homme pécheur. Il est devenu roi parce que Dieu voulait châtier le royaume de Babylone. Mais il acceptait cela. Lakini akaitikia hii. Maintenant, au roi verset 8. Confirme la défense. Akikisha hii mkazo. Écris le décret. Na andika barua. Afin qu'il soit irrévocable. Ile barua. Selon la loi des Medes et Perses. Qui est immuable. Il haiwezi kubadilika. Toutes les lois humaines sont immuables. loi humaine la sheria yote ya batu change inabadilishwaka. La seule loi qui ne peut pas changer sheria tu moja ila iwezi kubadilishwa, la parole de l'Éternel, ni neno ya wa milele. C'était par flatterie de mensonge. Il croit tunja kumubembeleza ya bongo tu pour l'obliger à respecter sa parole. Tunja kumulazimisha apate kufika mkuheshimia neno lake. La loi de Mède de Perse, sheria wa Mamedi na wa Persi haikuwe yasho kubadilishiwa. Hapana, hapana ndugu mpendwa, ni bongo. Là-dessus, le roi Darius, parle ça, ça me parle, Darius écrivit le décret et la défense. Akandika barua na mkazo. Parce qu'il avait ouvert ses oreilles. Ninjo alipungua kasikio yake kwa wale walikuwa tunja kumpaka mafuta, kumbembeleza. Daniel était un chrétien d'expérience. Daniel alikuwa mkristo wa onjo. Il n'était pas un pharisien. Ashuko mfarisayo hapana, mtu wa michezo hapana. Il croyait en véritable Dieu. Aliamini Mungu wa kweli. Il était sincère et sérieux. Alikuwa wa moyo haki na atende kwa maneno yote na moyo wake wote. Il vivait la parole tous les jours. Alikuwa naishi neno kila siku. Ce n'est pas la défense du roi. Aina ile mkazo ya mfalme. Qui l'a conduit à la prière. Ndio alimuongoza aanze kuomba. Non frère. Hapana ndugu. Ce n'est pas parce qu'il a entendu le roi publier la défense en atangaza ile mikazo, interdisant aux gens, kukataza batu, à tout le monde, kwa batu bote, de prier leur Dieu, bapate kuomba Mungu wabo, miungu yao, de lui adresser la prière, na kumtulea maombi paka yeye, ndio pale sasa Daniel akaanza kuomba. Hapana, hapana, hapana. C'est ce qui est faux. Ndio iko ya mubaya na ya bongo. Avec beaucoup de frères, na banduku ba mingi, et beaucoup de sœurs, na badada ba mingi. Quand ils sont en paix, muamani, elles sont en paix, msalama, elles ne s'intéressent ni à la prière, awangaiki, wala maombi, elles ne s'intéressent ni au culte, awajitu, elles ne s'intéressent ni à l'œuvre de Dieu. Awangaiki, ata kazi ya Mungu. Mais dès qu'une maladie tombe dans leur foyer, lakini wakati tu magonjwa yanaingia mnyumba yabo, dès qu'ils sont saisis de quelques tourments, voilà maintenant pour eux l'occasion de prier, de chercher la miséricorde de Dieu. Non frère, c'est malhonnête, c'est hypocrite. Quand quelqu'un est en paix, il mange bien, il dort bien, il est en bonne santé, il ne passe pas un moment de difficile, un moment de difficulté, il néglige la prière. Nous l'avons vu ici. Quand on avait interdit aux assemblées de cérémonie, dans les premières heures, tout le monde sentait que c'était la fin. Et tout le monde voulait prier. Maintenant que les églises sont ouvertes et que chacun de nous a la liberté de prier, personne ne vient à la prière, personne ne vient au culte. Chacun s'occupe de ses affaires. C'est un comportement hypocrite que Dieu ne peut pas apprécier. Un chrétien vit la parole de Dieu chaque jour. Chaque parole qui lui est enseignée, un chrétien ou une chrétienne s'efforce à vivre cette parole. Il s'efforcera à conserver cette parole dans sa foi. Nous ne sommes pas des chrétiens circonstanciels. Mais regardez le comportement de Daniel. Dans le verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Daniel akajua kwamba barua na sheria waliandika, il se retira dans sa maison, akajikokota mnyumba yake, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, mule madirisha ya chumba ya juu ilikuwa yenye kufunguliwa, dans la direction de Jérusalem, ngambo ya Yerusalema. C'est ce que Salomon ndio ile Salomon avait prié aliombaka lors de la dédicace wakati akutolewa du temple de Jérusalem kwa ikalu ya Yerusalema dans la prière de Salomon priant pour les juifs maombi ya Salomon alianza kuombea wa Yuda et il a dit ouvertement akasema waziwazi lorsque ton peuple wakati taifa yako après avoir péché kisha kutenda zambi il se retrouvera dans un pays étranger en captivité là où tu l'enverras pour les châtier. S'il a en captivité il revient en lui-même il comprend qu'il a péché il s'agenouille en direction de ce temple il te prie toi du haut des cieux et toi ta prière cette parole là était dans le cœur de Daniel il n'a pas ouvert les fenêtres il ne s'était pas agenouillé dans la direction du temple de Jérusalem pour rien il accomplissait la parole de Dieu qui était dans son cœur il vivait dans la parole il vivait la parole de Dieu même au temps de difficultés il a agi selon la parole l'interdire à adorer Jéhovah kumukataza kuabudu Jéhovah c'était une difficulté. Ilikuwa ni magumu. C'était une épreuve. Ilikuwa jaribu. Il était sur une terre étrangère. Kwanza, alikuwa muincha kigeni. Deux, on lui interdit de prier son Dieu. Bakamkataza kuomba Mungu wake. On lui demande d'adresser des prières à un individu. Maombi yake kwa mutu. Il ne pouvait pas le faire. Hakuwezi kufanya vile. Étant dans cette difficulté. Ilikuwa mwile magumu. Avec la parole dans son cœur. Neno la Mungu ndani ya moyo wake. Il est monté dans sa chambre, dans sa maison. Akapanda mchumba yake, mnyumba yake. Il est entré dans sa chambre. Akaingia mchumba yake. Il a ouvert les fenêtres. Akafungua madirisha. Et il s'est agenouillé. Na akatwanga magoti. Avec son visage na dans la direction de Jérusalem. Kuangalia ngambo ya Yerusalema. Et trois fois par jour. Na mara tatu kusiku. Il se mettait à genoux. Alikuwa anatwanga magoti. Il priait. Na kuomba. Et il louait son Dieu. Na kusifu Mungu wake. Comme il le faisait auparavant. Mpaka vile anaanza kufanyaka kule kumwanjo mbele wakati. Ce n'est pas une prière de provocation. Haikuwa maombi ya uchokozi hapana. Ce n'est pas une prière. Haikuwa maombi. De circonstance. Ya pa mambo hapana. C'était la vie. Ilikuwa ndio maisha. L'église est avec moi. Et kanisa linifuata. Si toi tu ne pries pas aujourd'hui, kama wewe leo uombe. Quand les églises seront fermées, wakati makanisa itafungwa. C'est à ce moment-là que tu vas prier pour qu'on ouvre les églises. Ndio wewe wakati utaanza kuomba tu afungue makanisa. Quand la pression de la marque de la bête viendra. Wakati kusongwa kwa chapa ya nyama kutafika. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, kama wewe hauna neno la Mungu ndani ya moyo wako. Qu'est-ce que toi tu feras? Utafanyaka nini basi? Aujourd'hui, leo hii, nous venons tous les jours à l'église. C'est pour emmagasiner la nourriture dans notre dépôt du cœur. Quand le temps de pleurs viendra, cette parole emmagasinée dans nos cœurs nous servira pour marcher dans la victoire. Mais si vous n'avez rien, lakini kama wewe una kitu, vous serez en difficulté. Utakuwa magumu. Oui, bien aimé frère et soeur. Ndio ntuku na dada mpendo. Daniel comprenait cela. Daniel alielewa ile. Dans 1er roi au chapitre 8. Mwafalme wa kwanza sura 8. Disons un peu cela, comme ça me vient à l'esprit. Tusome kwanza inanikuwe. Ayez l'habitude de prier tous les jours dans vos maisons. N'attendez pas la maladie. N'attendez pas le temps d'épreuve. Non, bien-aimés frères. La prière doit être une vie. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Et de cette manière, Dieu viendra au secours. Dans 1er roi au chapitre 8, écoutez comment Salomon a prié. Sikilize namna gani Salomon aliomba. Pour aller un peu plus vite. Kwa haraka. Vous pouvez commencer au verset 26. Mais je commence au verset 28. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Écoutez maintenant la prière. Faites ça, maombi. Que Daniel gardait dans son cœur. Il est maombi, Daniel est quoi, ça chunga dans la moyo wake. Même si une terre étrangère. Ata muinchi kigeni. Comme un captif. Ta mufungwa. Il gardait cette prière. Alindelea na kuchunga in maombi. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Macho yako ipate kwa usiku na mchana yenye kufungua kwa nyumba. Sile yeye don't you have dit. Yule mahali yenye ulisemea. La sera mono. Pale patakuwa jina langu. Écoute la prière de ton serviteur. Nita maombi ya mtumishi wako. Fais en ces lieux. Na yenye kufanywa maifa faifa. Then exaucer la supplication de ton serviteur. Bali maombi ya mtumishi wako. Et de ton peuple d'Israël. Na taifa lako Israeli. Lorsqu'ils prieront en ces lieux. Wakati pataomba exauce du lieu de ta demeure, tes cieux exauce et pardonne. Toka mbinguni ukubali na upusame. Verset 31. Makumi tatu na moja. Si quelqu'un pêche contre son prochain, kama mtu akitendea dhambi jirani wake, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, na wanamkazisha kiapo fulani, et s'il vient jurer devant ton hôtel, na kama akikuwa kuapa mbele ya madhabahu ndani ya nyumba, écoute-le des cieux, usikilize toka mbinguni, agis et juge ton serviteur, na uamue mtumishi condamne les coupables et fait retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite les félons son innocence. 33. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi weye, et rendent gloire en ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Vous allez continuer. Et Daniel avait cette prière en lui. Na Daniel alikuwa na maombi ndani yake. Et Daniel priait. Na Daniel alikuwa naomba. Il entra dans sa chambre. Akaingia mchumba yake. Conformément à la parole de Dieu. Patana na neno la Mungu. Il ouvrit ses fenêtres. Akafungua madirisha yake. Conformément à la parole de Dieu. Patana na neno la Mungu. Il se mit en direction de Jérusalem. Akainama mungamba Yerusalemu. La parole de Dieu. Paka bile neno la Mungu inasema. Il se mit à genoux. Akatwanga magoti. Conformément à la parole de Dieu. Paka bile neno la Mungu inasema. Il priait trois fois par jour. Akaanza kuomba mara tatu. Conformément à la parole de Dieu. Patana neno la Mungu. Comme il le faisait. Vile alikuwa anafanyaka mbele ya wakati. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. La prière. Maombi. Est un grand soutien. Ni msaada mkubwa. Pour tout véritable chrétien au Christ wote wa kweli au moment difficile wakati ya nguvu quand on passe un temps d'épreuve wakati tunapitia wakati ya majaribu un temps de maladie wakati ya magonjwa des moments difficiles très compliqués wakati ya magumu kabisa c'est la prière maombi qui sera notre grand soutien Dieu itakuwa msaada kwetu wa nguvu. La prière nous fortifiera pour garder notre foi dans la parole afin de ne pas dévier ou de ne pas s'ajuster. Le temps de preuve est un temps d'agitation. Mais quand quelqu'un a constamment Dieu devant lui, il est tout le temps dans la présence de Dieu, il reçoit une force qui lui permet de résister à la tentation. C'est ce que les frères et les sœurs ne comprennent pas. Les gens qui négligent la prière dans leur vie sont des maudits. Quelqu'un qui ne prie pas, il n'est pas soutenu. Il ne fait pas confiance en Dieu. Prier Dieu, c'est lui faire confiance qu'il agira. Et Dieu aime quelqu'un qui prie. Et Dieu lui fera du bien selon sa prière. C'est vrai, frère. La prière nous soutient dans les problèmes. C'est pourquoi un chrétien prie. La prière nous retient dans la présence du Seigneur. La prière fortifie notre foi. Nous élève au-dessus de toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer. Quand vous vous sentez méprisé, vous vous sentez haï, priez le Seigneur. Quand vous vous sentez abandonné, priez, vous aurez suffisamment de force pour surmonter l'épreuve. Lorsque vous êtes affamé, vous êtes malade, vous passez un moment de trouble, priez, la prière vous soutiendra. Frère, nous agissons très mal lorsque nous ne prions pas. Nous devons prier chaque jour. Paul nous a enseigné à dire, prier tout temps. N'éteignez même pas l'esprit. La prière doit être une vie. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Oui, bien-aimés sœurs. Quand ton enfant, ta fille, devient rebelle, priez pour lui. Quand ton mari commence à te persécuter, priez pour lui. Quand ta femme devient infidèle, devient rebelle et insoumise, priez pour elle. Quand vos collègues vous persécutent au travail, priez. Dieu vous soutiendra. Notre Dieu agit par le moyen de la prière. Et une prière qui est faite dans la foi, dans la confiance de Dieu, Dieu l'exaucera toujours. Il n'y a jamais eu une prière qui a été faite à Dieu dans la sincérité et Dieu n'a jamais exaucé. Notre Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Pourquoi? Priez. En toutes circonstances, priez. Avant d'aller en voyage, priez. Pourquoi? Pour inviter l'ange de l'éternité à t'accompagner. Qui te protège en voyage. Avant de dormir, priez. Avant de vous réveiller, de sortir, priez. Avant d'aller au champ, priez. Vous voyez bien mes frères. Avant de venir à l'église, priez. Quand vous entrez dans l'église, priez. Pour que Dieu vous donne la nourriture du jour. Pour que la parole qui sera apportée trouve bien en vous. Quand vous quand la prédication termine, priez. Pour que ce que Dieu a dit soit bien en vous. Nous devons prier tout le temps pour chercher le secours de l'Éternel. La vie de l'homme est entachée de beaucoup de choses. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Les choses que l'Église ne peut pas résoudre, que nos pasteurs ne peuvent pas résoudre, mais ces choses-là seront résolues par Dieu dans la prière. Parce que quand nous prions, l'Écriture dit, vous voyez que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez accompli. Quand Daniel s'agenouillait ici, il ne faisait pas de blagues, il était sincère, parce qu'il était en difficulté. Recourez toujours à la prière lorsque vous êtes en difficulté. Ceux qui ne veulent pas prier, c'est fond du mal eux-mêmes. La prière est l'arme du véritable combattant chrétien. Un soldat chrétien prie. Parce que de la prière, il reçoit la force. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki jo magharibi ya leo. Taendeleze. Ah, ce sont les 70 semaines. Iyo ni paka ma juma makumi saba Danieli. Voyez, c'est bien. Naona ni mzuri. Nous ramenons cela à notre vie. Tunarudisha ile yote maisha yetu. Voyez. Naona. Il y a des bonnes, des pépites d'or. Kukuma. Il y a des pépites d'or. Tukuma mani. Mayani ya azabu. Non, non, c'est-à-dire butajiri. Butajiri ya azabu. Kuko butajiri wa azabu. Que Dieu a caché dans la Bible. Ile Mungu alificha. Priez, frère. Omba nduku. Au moment difficile, priez. Wakati ya magumu, omba. Pendant la paix, priez. Wakati ya amani, omba. Quand vous êtes malade, priez. Kuko mgonjwa, omba. C'est vrai. Ya kweli. Pendant la famine, priez. Munjala, omba. Et Dieu vous fera grâce. Na Mungu atakufanyia neema. Levons-nous pour la prière. Simame juu ya kuomba. Et Dieu écoutera na une Mungu prière sincère. Atasikia maombi ya haki. Pendant que Daniel wakati Danieli était confronté à la jalousie, alikuwa anapinganishwa na bugu na chuki, au piège, miteko, à l'interdiction, mikazo, de s'adresser à son Dieu, akatolea Mungu wake maombi yake, il prie à son Dieu, akaomba Mungu wake, que rien ne vous retienne loin de la prière, ya kushika mbali na maombi. Si mama te dit de ne pas prier, non, mama akonesha sio usiombe, inapasa kuomba. Que personne ne vous interdit, sio mtu akukataza. Notre secours nous vient de l'Éternel. Saada yetu inatokea kwa wamilele. Prions. Tuombe.